On va voir. J'adore. Sinon, ça va glisser. J'aime ça comme ça, moi. Ouh, Stéphanie a été régissante. Non, mais je vais te laisser. La vitesse où il a sorti le GAFA. Dans la poche. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, je faisais un peu au cinéma. Ah ben bah voilà. Juste que tu me décales un chouïa si tu peux. Ouais, ouais, c'est terrible. C'est vrai, ouais. C'est bon, ça. Ouais, ouais. On voit pas les... C'est le mode clip. Ouais, bah ouais. Clip et destroy, ouais, tu vois. Tu vois, quand tu le mets en clip, il le prend pas pareil. Ça arrive, ça arrive. Ou un oubli bien secondaire, 6 millions de gens liés. car leurs idées sont des engrais pour dissidents de la misère. J'ai dit silence, on pense. J'ai dit silence, on danse. Assis. Sans famille, qui sont gavés de bonnes paroles, de belles pensées, d'esprit de joie, mais dans leur vie, y a rien de drôle. Même dans leur vie, y a pas d'éclat. Je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. Et puis un jour, ce sera la tour. Bianchi. Alex, on va prendre des petits apéros là. Enregistrement que j'ai fait sur le vif en juillet 2011 à Paris sur un studio sur pilotis. Parce que moi je fais dans la variette. Dans la variétoche. Et oui. Silence, on chante, oh yeah, silence, on dort, silence, on chante, oh yeah, silence, la variétoche. Alors tu te prends pour qui? Pour la toche ou la variette? C'est de la... Non, c'est avarié, quoi. C'est... Monsieur le Président... Tu n'es pas trop catholique et cathodique derrière leur écran. Jacqueline, est-ce que c'est Zécran? Zéki? Non, c'est. OK, Zafi, non, ça n'a rien à voir. C'est, non. Zafi, oui. Non, t'as bien raison. Mais non, c'est pas... Alors, tu y vas? Ben là, on y va, oui. On a déjà commencé. On a demandé à Mme Tremblay si de me faire signe. Elle fait tout sauf des signes. Ah, c'est... En tout cas, c'est... On exploite les gens que l'on a, quoique exploiter est un mot, hein? Quoi? Surdimensionné? Comme votre... oui. Ah, et vous seriez... Arrêtez, fauchez-vous pas, vous. Fauchez-vous une autre fois, là, puis vous allez voir que je vais vous laisser recommencer. Et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, le court-circuiteur de réalisme. Ça se dit même pas. Oui. Merci de me le dire ici en nom devant des millions d'auditeurs. Des millions? Ben, des milliers. Des milliers? Des centaines. Des centaines? Des dizaines. En fait, un auditeur. Mais c'est le bon, c'est le meilleur. On n'en veut pas d'autre comme ça. C'est la personne, parce que ça peut être au zénith de son talent, au zénith de son intelligence, et on la remercie infiniment. Votre court-circuiteur de réalisme rénal de le néant gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention! Attention! Facebook venait. C'est clair, hein? Qui va vouloir dire aller à l'encontre de cette idée-là qui est quand même la plus intéressante des 5 dernières années? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne. J'ai pas le cours là, c'est. Il n'y a pas le combiné là-dessus de. Comment tu peux appeler ça? Donc, un traducteur? Non, un débiteur de conneries. Le débiteur de conneries, est-ce que. Alors, tu y vas? Oui. Monsieur? Ça fait exactement 18 minutes et 27 secondes que tout est parti. Madame Tremblay arrête pas de faire du vélo parce qu'on n'a pas payé notre électricité pour mettre toute notre... Oh oui, pour ça, non. J'ai dit pour mettre. Pour mettre toute l'électricité qu'il faut pour vous donner une émission qui a quand même un certain sens technique. L'autre, le sens intellectuel, le sens moral, le sens propre, le sens figuré, le sens aigu, le sens unique, ça viendra peut-être, on se le souhaite. On demande aussi au Saint-Esprit de venir nous allumer, nous ramener à une certaine façon de faire une radio décalée. Ah, pour être décalé, toi, t'es dans le creux, toi. Ah, très creux. Très, très creux. Hein? On te voit juste la touffe. La touffe, de cheveux. Oh, que c'est gay, Pour nos amis, là, Anne-de-Résine. Nous marcherons, c'est comment? Anne-de-Résine. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 2 mars 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi... Comment, madame? On l'a élaboré rapidement parce qu'on pouvait pas aller plus en profondeur, quoique si on atteint le creux de la vague, il suffit de se laisser remonter à la surface un peu comme une vague à Hawaï. Parce que je sais pas si vous avez déjà visité à là-bas, là. Il y a des vagues, il y a du soleil, il y a pas d'oiseaux. Il y a des oiseaux à Hawaï. Ah ouais, il y a des bikinis aussi. Il y a le soleil, je l'ai dit, il y a du soleil, oui. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a jamais eu de nuages à Hawaï. Puis il y a 5-0 aussi. Il y a le 5-0, hey! Attendez. là, à chaque fois, il faut... On dirait que dans cette émission-là, il faut appeler quelqu'un, hein? Il faut appeler, on va appeler le 5-0. Avez-vous, madame, faites le 5-0. Ça sonne, donnez-nous la ligne. Branchez sur la 17, là, la prise 17. Lève la coulisse, Jean-Marc, lève la coulisse. Allô, 5-0? Ouais. Oh. Hey, c'est le long distance. Ouais. 5-0, êtes-vous là, ma... Ouais. Bon, nous sommes à Hawaii. Ouais. Hey, Hawaii, là, ben, moi, j'ai jamais visité ça parce que, premièrement, j'haïs suivre le soleil, comme tout le monde. La majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se donner un cancer de la peau. Moi, c'est pas mon. Ben, je peux l'avoir, mais j'aurais pas couru après. Alors, donc, à 5-0, c'est bien Hawaii, ça, c'est bien. Ouais. C'est bien envoyé, on sait, hein? Ouais. Est-ce que c'est un coma profond lorsqu'on y va? Ouais. Pourquoi c'est dû au soleil? Ouais. C'est l'humidité. Il n'y a pas d'humidité là-bas? Ouais. Ben pourquoi? Est-ce que c'est grâce à aucune humidité? Ouais. Mais lorsque je plonge dans... Excusez-moi, madame... Vous allez... Non, excusez-moi, monsieur. Ouais. On va arrêter de s'excuser parce qu'ils vont se demander si on a quelque chose à se faire pardonner. On n'a rien dit, on n'a rien pris. Quoique, madame Tremblay m'a dit que lorsqu'elle a fait son premier voyage à Hawaï, elle avait, malgré elle, rapporté, sans le savoir, elle a rapporté avec elle un coquillage à l'intérieur de son maillot qui était extra large, quoi qu'elle voulait, elle voulait se laisser plonger dans l'eau pour que le sable, il monte dans le bikinus. Bikinus sanctus et dominus, aleluia, medelus, santo, lidemenu, tumbadidusi, tumbadi, ammadidusi, tututum, rambadidus, santum, badidum. Quoi qu'elle était dans le pas trop creux, puis son costume, elle a pris, lui a pris du creux de la vague. Puis là, elle a vu arriver la chose. Le gros pseudo-dauphin. Ben oui, il n'y a pas de dauphin. Mais il y a peut-être des... Il y en a peut-être. Mais des dauphins qui se prennent pour des requins. Avez-vous déjà vu ça, madame? Là, ça fait... C'est un dauphin, comment ça fait? C'est pas un dauphin, ça. C'est un rhino-malheur. Ah oui, c'est un méchant malheur. Parce que là, lui, était... engagée vers madame en bikini qui était ramassée de sable. Elle pouvait pas se lever comme elle voulait. Elle pesait 250 livres. Avec le sable, c'est au moins 500 livres. 500 livres à lever, là. Hein, le fond de culotte qui pouvait plus monter. Ah, mon Dieu. Elle en a-tu amené des Saint-Esprit? Je vous salue, Saint-Esprit. Puis là, il voulait pas le Saint-Esprit, lui. Il la collait. Je soupçonne les intraterrestres de l'avoir tenu par le fond de la culotte. Et d'avoir aussi amené beaucoup plus de sable, histoire qu'elle ne se lève pas. Et là, les dauphins qui se prenaient pour des requins qui avaient pas de dents, en plus. Ils ont oublié leurs dentiers chez le fuck en Alaska, là. Ils sont partis d'Alaska pour arriver à Hawaï. C'est long, là. Ils ont pas pris d'avion, eux autres, là. C'était dans l'eau. C'est avec les joyeux naufragés, là. Il y avait le capitaine et son épouse, là, la Gilligan et leurs amis. Mais là, il était pas sur l'île. Il était sur le dauphin qui se prenait pour un requin, pas dedans. Là, ils pouvaient pas mordre, ces dauphins-là. Là. Ça mangeait juste des petites algues, là, ben molles. Il fallait que ça soit très mou, hein, pour que la gencive ne saigne pas. Si ça saigne, ça va alerter les requins qui, eux, vont venir manger les dauphins. Vous connaissez pas ça, vous autres. Je vous l'apprends, là. S'il y a du sang dans l'eau, les requins, fring, fring, fring, ça s'allume, là. Fring, fring, c'est comme des antennes, là. Fring, c'est comme si un citoyen se promenait dans une rue passagère, de piéton, très passante, avec de la monnaie dans le fond de sa poche, fait galing, galing, galing, galing, on l'entend. Là, tu vois-tu pas le quêteur? Hey, t'as-tu de la monnaie? Non, j'ai pas de monnaie. J'entends de la monnaie, t'entends rien. Non, il y a de la monnaie, il y a pas de monnaie. Hey, wow! Il n'y a pas de monnaie, ça ne fait pas ding-a-ling. C'est moi qui chante à ding-a-ling, ding-a-ling. C'est pas la monnaie, ça regarde ding-a-ling. Non, c'est dans ta poche, moi. Non, c'est dans ma bouche, moi, là. Ding-a-ling, ding-a-ling, ding-a-ling, ding. Tu chantes les chansons de Noël au mois de mars? Oui, j'ai le droit de chanter les chansons que je veux. Si je veux chanter, le bon roi d'Agobert a mis ses culottes à l'envers, c'est moi qui décide. Là, on va revenir aux requins qui se prenaient. Ben, c'est des dauphins qui se prenaient pour des requins, pas dedans. Ça veut pas être bon. Oh, les enfants pleuraient. Madame essayait de se lever, incapable de se... attiré par le bas. La main de l'intraterrestre s'amusait, je vois, c'est après le bikini. Oh, ça criait, c'est merveilleux. Il n'y avait pas Spaceberg là, à l'époque pour filmer ça. Ah, hey, HD, 3 DVD, ça ferait peur, ça. Là, là. Oh, les gens là oseraient même pas laisser leur télévision en mode de fonction pour pas avoir de l'eau dans leur salon. Là. Les vagues étaient plus grosses que la nature. 5000 pieds, j'exagère à peine. 5000 pieds. Là, madame, elle voyait arriver les grosses vagues avec les dauphins qui se prenaient pour des requins. Là. Ah, c'est le drame barreur. Comment? Le drame barreur. Barreur. Barreur boréal, très boréal. Ah, c'est... Et puis là, on voyait le coucher de soleil arriver, la grande bouche pas dedans, puis là, madame, chose... était pas capable. Ah. Non, c'était pas un rêve, hein. Je me suis même pas réveillé. Là, je voulais voir le désastre arriver. Et puis quoi? Et puis, ben là, hey, attendez, vous... Ouais, hein? C'est vrai, on a oublié, madame... Monsieur 5-0. Monsieur 5-0! Ouais! Est-ce que c'est une histoire qui est véridique? Ouais! Là, il y a personne qui a osé filmer ça, là. Ouais! Oui! Ah, hey, avez-vous l'adresse? On va le... Ben, est-ce que c'est sur les écrans? Ouais! Sous les écrans aussi, hein? Ouais! Je savais que les intraterrestres avaient filmé ça. Ah, avez-vous été déjà dans le cinéparc intraterrestre? Ah, on nous place à côté du noyau, là. Des sièges à côté du noyau, c'est chaud. Tu peux faire toi-même ton main soufflé. Ah, ça éclate de partout, ça va. Ah, t'as le noyau qui brûle, tout est en... Hein? Comment ça, c'est un délai? C'est un menteur. C'est pas la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Hey, vous là, si on croyez-vous qu'on compte des bobards à notre public? On dit la vérité vraie. On n'ose pas, là, cacher la vérité. C'est pas insultant de se faire dire ça, là? En direct? Ou presque? Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les requins, il n'y avait pas dedans, OK? Les vagues avaient au moins 30 pieds. On était à Hawaii sans le 5-0. Monsieur 5-0? Ouais. Merci d'avoir participé à Rorirabes Romérez Serine. Ouais. Arénérine? Ouais. Kétine, il n'est plus là. Kétine, madame, vous avez coupé. Là, je voulais y dire Kétine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au revoir à la prochaine en hawaïen. Voyons. Vous connaissez pas la langue hawaïenne? Ah, moi. J'ai de la difficulté avec toutes les langues, même celle de mon Robert. Ah, Robert, il a la langue bien pendue. On appelle ça un torchon. Ah, le gros torchon, là. Il travaillait au poste, hein. Il léchait les timbres. Ah, moi, il léchait même la caissière. Ah, mon Dieu. Ah oui, combien de fois? Ah, plusieurs fois par jour. Elle arrivait à la maison, là, le derrière de tête tout humide. Ah, mon Dieu. Et pour nous envelopper, merci, hein. Ça devait être appétissant, très appétissant. Elle aimait ça. Ah, bon. J'aimerais ça recevoir des courriels des gens qui aiment se faire lécher le derrière de tête, hein. Rénal Québec a commencé à l'admin.com. Rénal Québec a commencé à l'admin.com. Écrivez-moi. Allez, tapez. Wello? Oui. OK. Je dois te laisser. On est en. Merci. Au revoir. À la. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour du créateur, compositeur et interprète Alex Bianchi. À l'antipode des artistes préfabriqués, Bianchi se pose là, une voix rocailleuse à souhait, gorgée de soul et de blues, des textes incisifs sur des rythmes endiablés et acoustiques, quelquefois acoustiques. Point. On se demande encore comment les... Merci pour le point. C'est un beau point. Vous pouvez-vous faire le point à travers les... Voilà, en direction du micro. Bon, OK, merci. Ça me... Oh, c'est vrai, ça donne des frissons au niveau de la babine. Ah, oh, je fais ça. OK, on le fait plus. T'arrêtes. Oh. C'est comme les ongles sur des... pas des craies, mais des tableaux noirs. Ah, ça! Savez-vous pourquoi ça nous... Bon, on va le dire, ça nous écœure. Vous savez pourquoi ça nous écœure? C'est parce que, selon Hubert Reeves, nous étions des éponges. Je parle pour toi. Oui. C'est ce que dit ma femme. T'es une éponge. Arrête de voir. Ben oui, arrête de voir. J'aimerais bien s'arrêter de voir. Si je pourrais plus te voir, je serais bien content. Mais non, j'ai pas dit voir, j'ai dit boire. Ouais, ouais, c'est bon. Acoustique et chaloupée, reggae. On se demande encore comment les chansons. Hey, scène de ménage en public. À la radio, à CKRL, le canon de la radio découverte. Eh, mais. On comprend absolument. Article, c'est indiqué à l'INEA 3 du meilleur animateur de radio. Si tu veux le gagner en 2012, il faut que tu articules. Oh, d'accord, merci beaucoup. C'est d'abord un Strasbourgeois. Hein, Kémy, à Teki, on se demande encore comment les chansons de ce charismatique chanteur italo-strasbourgeois ne sont pas arrivées à nous. C'est d'abord reprendre à penser, à repenser les choses de la vie. Repasser, on repasse et trépasse, de la nature humaine et terrestre, à la manière d'un nomade en quête d'humanité et de communion, Alex Bianchi est tantôt cool et tantôt colère. Errance Renaldienne rencontra en 2011 cet artisan de la chanson. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la chanson nous envoûter? Ah ben, pourquoi pas? T'entends crier sur les toits tous tes regrets. Mimimikala. Des jours je te dirai de tes angoisses obstinées. Mimimikala. Des jours je venais te prendre par la main et me rendre. Mimimikala. Quand toi tu sais penser, je serai déjà oublié. Etc. Inondé d'amour, de rêves, de baisers. Mimimikala. Des nuits passées à vider mon esprit de ses péchés. Mimimikala. Des nuits où j'aurais rempli ta tête d'espoir, de magie. Mimimikala. Quand toi tu sais penser, je serai déjà oublié. Faire mon musicien, je vais pas dire les années 70 ou 60, je vais faire j'aurais bien aimé vivre bon, dans la Grèce antique, tu vois, un truc comme ça. Oh, ça peut okay. être, ouais, tu vois, un truc un délire comme ça. Ok. C'est, ouais, un pur délire, effectivement. Si tu étais une saison.

lumière singulière, des flammes que je déchire mon rêve, au petit schnapps d'Arbogast et des flicaires de chez Bast. Pas la saison du brin de lin. Surtout pas de choucroute en été. Pas de choucroute. Sans du knapouche et pas gazé. Surtout pas de choucroute en été. Pas de choucroute. Pas la saison du brin de lin. Surtout pas de choucroute en été. Pas de choucroute. Sans du knapouche et pas gazé. Solo. De la couille droite. C'est un cancer plutôt répandu. Quelque part pas trop loin du cul. C'est sur ma gosse, je vois qu'il y a une bosse. Puis ça me gosse, ça c'est atroce. Je vois qu'il y a une bosse sur ma gosse, puis ça me gosse. Pis ça c'est atroce. Il voulait pas dire ça. Ben, qu'est-ce qu'il nous a... Ah, ouais, oui, on voit. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Merci, madame. Vous êtes bien chouette. Comme le hibou, madame. Le hibou. Chauffe les ondes. Hein? Si on veut bien les chauffer, quoique... C'est bon. Merci. Merci, OK, chauffe les ondes. Tranquille, au pied. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-lui nous suggérer une improvisation à partir de la première phase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Con. L'écho est trop fort. C'est comme le pistil. Le qui? Le pistil. Pistil. Pistil enfin. Ouais, non, c'est la fleur. OK. Il y a la tige. Oui. Il y a les feuilles. Oui. Il y a les métals. Les grosses métals, c'est des pétales. Mais mettons que c'est des pétales. Et puis à l'intérieur, il y a des pistils. Ah oui, c'est. Ça sent bon, les pistils. Mais est-ce que c'est les pistils qui font l'odeur? Non, c'est la fleur. La fleur qui est dans? Qui est dans les pistils. Mais la fleur est composée, d'entre autres, de pistils. C'est difficile. C'est très difficile, les pistils. Ouais. Et puis c'est Excel. On dirait un poète du dimanche. Les poètes du dimanche aiment bien écrire et se faire croire qu'ils ont les mots appropriés de les. Et la flagrance qui les atteindront jamais. Prenez un... Ah ouais, le mot de Pikowski. Allez-y. Alors là, allons avec les séchoirs vers la première phrase qui dit il préférait. Oh, je croyais qu'il préparait. Ah, il préparait des belles idées, mais elles étaient préconçues. Et à force de s'user, ça disait pas grand-chose au public. Là il cherchait les mots exacts pour définir sa pensée. Il n'en trouvait pas, puisqu'il n'y avait pas de pensée. Il n'y avait pas de mot exact. C'était rien. C'était le néant. L'absurdité zéro de la compréhension humaine. La recherche du soi dans le nombril du je. Oh! Hey, la compréhension du soi dans le nombril du je. C'est bon, ça. Très bon. Même, je prends ça en note, là. Je m'en rappelle déjà plus, madame. C'est le jeu dans le pistil. Pistil, c'est tout ça. Le pistil. Première phase, Bukowski. Tranquille. Je fonde pas. Écoute. Sérieux, cette mission-là, là. C'est pour les enfants d'école. Oh! En retenue. Ah, avez-vous déjà été en retenue? Ah, c'est le moment le plus abri. Surtout lorsque ta maîtresse. À un certain moment, là, on peut trouver jolie notre maîtresse. On se dit, on pourra peut-être avoir quelque chose entre nous. T'as quand même 12 ans. Là, ta maîtresse en a 9. Là. Quoique, elle était super intelligente, là. C'était une élite intellectuelle qui a surmonté tous les préjugés sociétals de notre humanité qui est latente dans l'arrêt provisoire des façons de faire évoluer la planète. Ah, oh, mon Dieu Seigneur! C'est fort, hein? C'est fort, mais ça manque de fond. Ah, mon... Ah, je manque pas encore de fond là-dedans, là. J'ai acheté hier au soir ma belle télévision, comme tout à l'heure, je vous mentionnais, 3D, HD, DVD. Ben, payer quoi? Payer... oh, on allait m'actionner, oui, payer sur le champ. Là, j'étais sa clôture, pas sur le champ. Je peux-tu le payer maintenant? Ben là, l'avez-vous rasé, votre champ? Ah, mon... Ben, hey, Huguette! Je l'ai-tu rasé? Arrête-toi, j'ai jamais ça à raser moi-même. Non, pas toi, mais moi. Ah, t'as pas rasé grand-chose. T'as rasé de me marier? Oui. T'as rasé d'avoir des enfants? Oui. Mais t'as pas rasé de t'acheter une DVD, DVD 3D, CT, maniqué, DVD, menumé, mon avis, mon chien. Oh! Excusez-moi, madame. Ben, je suis pas madame, je suis ta femme. Excusez-moi, ma femme. Ben non, on n'est pas mariés. Arrête-toi. C'est pour le meilleur et pour la mire. Oh, le... Oui, c'est ça. Tu es, pour moi, le point de mire de mon existence. Hein? Ma belle Colette. Hein? Solange. Hein? Dominique. Hein? Pascal. Hein? Maryse. Hein? Tout à la fois, je t'aime, ton lit, braconne, il taponne. Arrête, en parlant de taponner, j'ai touché à tous les boutons de ma 3D HD DVD. Je dis, comment je peux faire pour sélectionner un des trois items? Home Overture, parce que là, c'est francophone, là. J'ai acheté ça au Québec, là. Tout est en français québécois. En dialecte québécois, c'est ouvre-la ta pitoune. Fait que là, j'ai essayé d'ouvrir ma pitoune. Elle a crié après. J'ai reçu une claque en arrière de la mâchoire, toi, là. Juste entre la prémolaire et l'incisive. Ah, kachung! La prothèse est partie par en avant. Ah, oh, c'est léché. Parce que j'avais mis quand même quelques velcro sur ma perruque, mais ça n'a pas tenu le coup. La perruque en avant. Ah, oh, elle n'aime pas ça quand je l'appelle ma pitoune, puis je lui pèse sa pitoune. Ah, elle veut pas. Pis surtout, hein, elle me dit, des années 70, on a travaillé pour l'équivalence, hein, humaniste, on veut être là à même égalité que les hommes, tu as arrêté de me traiter comme un objet, puis mon Dieu Seigneur. Mais excusez infiniment, je ne recommencerai plus. Je vais me retrouver tout seul avec ma télé HD DVD audio. Amen. Oui, je pêcherai en regardant des films à budget extrêmement réduit, tellement réduit que les comédiens et les comédiennes n'auront pas de vêtements sur eux. Mais pour que mes visions ne soient pas si diaboliquement interprété par le clergé et l'Église catholique, j'écouterai le dimanche la messe à la télé. Je mettrai le surround digital HD DVD pour ainsi prendre le style et me la placer sur la langue. Amen. Alors, la phrase de Bukowski, c'est « Il préférait les derniers jours de l'été à l'automne, mais peut-être était-ce déjà à l'automne. » Hey, l'été, on recommence. « Il suffirait. Il préférait les derniers jours de l'été à l'automne, mais peut-être était-ce déjà à l'automne. Il ne savait plus. » Il était un peu comme la boussole ou la girouette en manque de direction. À quel endroit me situe-je? Où suis-je? Me situe-je? Oui, mais situé? Situe-je? Ah oui, c'est entièrement ce que tu devrais dire. Ben, c'est ce que j'ai élaboré ici devant mon public. Ben, c'est bravo. Bravo, monsieur. On vous le donne, on vous l'accorde. Non, pas trop longtemps. Merci. Arrêtez. Comme ça. Ici, maintenant. Arrêtez. Ici, maintenant. Oh. Et là, moi, l'automne, je préfère le printemps. C'est bien plus agréable le printemps. Tout bourgeonne, là, dans mon esprit, ça bourgeonne. Là. Puis il commence à faire chaud, tout fond, là. Les vêtements fondent. Tout le monde se promène dans les rues, heureux, sur les terrasses, la bière, passante. Puis il regarde le soleil, les lunettes fumées, c'est merveilleux. Mais là, c'était l'automne. Oh, on se préparait à l'hiver. On commençait à pleurer de rien, on disait « Rénal! » Ça va, c'est une dépression incroyable. Grosse dépression. Ah, je me rappelais même plus de mon nom. Je disais Rénal, je me retournais pas. J'étais confuse. Ah, je cherchais le nord et je perdais le sud. Non, c'est je perdais le sud. Non, je cherchais le sud et je perdais le nord. Je m'étais inscrit à des cours d'art dramatique avec le grand Jolivet, Martin Jolivet, qui lui se prenait pour l'autre, là, Gérard Depardieu. Il reprenait des phrases du film de Bertrand Blier, La valseuse, et se disait « Je me la valse tous les soirs et toi, petite. » Et là, la réplique, c'était « Petite, pas si petite que ça. Oh, » Le public criait. Ouais, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de rideau. Il n'y a pas de comédienne, il n'y a pas de visuel, là, mais même d'une manière sonore, c'est drôle, hein? Non, drôle dans le sens d'étrange, pas dans le sens de rigolo. Hey, allô? Voilà. Oh. I think it feels good right now. Huh? How you think it feels, man? What's that? Cool. Yes. Hardcore, rough, rugged and raw. For you bet your, for you bet your. You got to see to the cold blood, ain't it? The floor. Come on, hardcore, we take it high. Yeah, yeah. My little daughter started nursing. nursery school. Brother calm, gotta make our move through silence and violence with vibrance. And sign the times with rhyme shit that's timeless. Mind is a terrible thing to spill. Rap life's like a dream that seems surreal. A nigga wake up, superstar, with no acres out. Traveling the world to see papers as paper. Streets take ya back and forth like a shaker. I'm a slave to the rhythms breaking off. I get the job done, but some days I wanna take off. D be like, we ain't got no time for that. Questlove said, we ain't got no time for that. My old bird like, we ain't got no time for that. So I rhyme when my back hurts. Play the numbers for my grandmother like craftwork. I rock the patchwork fast. I'm into win, but then begin to sin. We're in the wind with hens and Heidekins. Reach for each and greet the meek with speech to seek and beat. Cause beat shit gets deep. I reach styles that come out at night when most cats pull the gun out. Go on and to the break of when the sun run out. Run out, look, run out. See, yeah, come on. Yeah, hit 'em with the come on, hey, for you rap yours, for you rap yours. Come on, cold blooded, yeah, cold blooded. Come on, hardcore, hey, yo, yo, I think I wanna taste you, John. I wanna get a taste of you. Come on, cold blooded. Does Mitch as a intense MC, said to be the rain on the industry. I came with penitentiary talk, coke at a Hennessy walk. My imagery talks, metaphors and simile stalk. Time of war, my artillery cost the hardest nigga. I'm killing them soft, dealing with golf, getting blowed on the course. I be dissing magazines, but then by the source, can't explain why the force is with me. Known to bring a rapper down like Bobby did witness. Sophisticated sissy strut like this is B Street with backpacks. Bragging how they don't eat meat in abstract. I back smacking with the skateboard, flee the crime scene with a rhyme scheme to escape frauds. Make broads become queens, run things like a roster sprinter. The way you mark the game and rub off like henna. I remain like a tattoo with natural raps. Copy like facts, I draw actual facts. Battle raps where it began, I'ma end it wherever I land. I thought of master plan. Go. Yeah, come on. You know, hardcore, ain't it? Come on. Yeah, for you and your, for you and your. You got to see to the. Come on, cold blooded. Come on, cold blooded. Hardcore. Rugged and raw, for you red y'all, for you red y'all. You got to see to the, yeah, hey, Mac Nasty, yo, yo, come on, rugged, rugged, rugged and raw, ain't it, for you red y'all. You got to see to the, come on, hardcore, rugged, rugged and raw, for you red y'all, yo, yo, yo, yo. Individu, nom de Dieu. Ah, sans doute que j'aurais été avocat, politicien ou flic, je pense. Pourquoi un emploi de la droite? Bah, parce que justement, c'est là, c'est dans ces milieux-là qu'il faut influencer les choses pour qu'elles évoluent mieux. Et peut-être c'est une fois que tu es rentré là-dedans que tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire. Ah non, je suis, il y a toujours à faire. Tu sais, On est dans une région très, très extrême chez nous. Oui, ben partout. Ouais, et c'est là où il faut être le plus actif. Ouais. Tu ne penses pas que la corruption commence quand on... Ben justement. Ouais. Il faudrait que ça s'arrête là. Voilà. Non, ça ne s'arrêterait pas là, mais je préférerais la combattre comme ça, ouais. OK. Voilà. Qu'avec des mots, parce que là, je la combats, mais avec des mots, avec des chansons, avec tu des... Fais, c'est ça, tu le fais à travers ton... Ah oui, complètement. De m'assagir, avant de jeter l'encre, de ménager mon cœur, de couver ma santé, avant de raconter mes souvenirs à l'encre, de vouloir sans pouvoir, de compter mes lauriers, avant cette saison, avant cette retraite, je veux sauter les ponts, les murs et les rebords, je veux briser les rangs, les cadres et les fenêtres, je veux mourir ma vie et non vivre ma mort, je veux vivre en mon temps. Saboter les coutumes, plier les conventions, sabrer les règlements, avant ce coup de vieux, avant ce mauvais rhume qui tuera mes envies et mes 32 dents. Et si je le pouvais, je ferais mieux encore. Je me dédoublerais pour vivre comme il faut le jour, pour ce qu'il est la vie, pour ce qu'elle vaut. Ça c'est mourir sa vie et non vivre sa mort. Je ne peux veux rien savoir, je ne veux rien comprendre. Je veux recommencer, je veux boire, je veux prendre. Il sera toujours temps et jamais assez tard d'accrocher ses patins, d'éteindre son regard. Je ne veux pas survivre, je ne veux pas subir. Je veux prendre mon temps, me tromper, m'affranchir, me tromper de bateau, de pays ou de port, et bien mourir ma vie et non vivre ma mort. Au premier détour, à la première peine, je me mets à gémir, à pleurer sur mon sort, à penser à plus tard, à calculer mes scènes, et à vivre ma vie, et à vivre ma mort. Je cherche votre cou, je vous prends par la taille, on se fait si petit, petit, quand on a peur. Je ne suis plus géant, je ne suis plus canaille, je couve ma santé, je ménage mon cœur. Et puis je me reprends, et puis je me répète qu'avant cette saison, avant cette retraite, il faut sauter les ponts, les murs et les rebords. Il faut vivre sa vie et non vivre sa mort. Et pendant ce temps-là, le printemps se dégivre. Le jour fait ses journées, la nuit fait s'éveiller. C'est à recommencer que l'on apprend à vivre. Que ce soit vrai ou pas, moi, j'y crois. Cette semaine. Ouh. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi! Bon, ça va bien, madame? Ah, ça va très bien. T'avais pas... Oui, je parodiais Diane Mufresne. Oh, mon Dieu. Mufresne, mi-raisin. Non, c'est mi-figue, mi-raisin. Oh, mon Dieu. Moi, je me sens plutôt raisin. Mais comme j'ai dit à madame Thibaudeau, avant l'émission, si le raisin devient sec, cueille-le maintenant. Cueille. Cueille-le maintenant. Mais cueille-le maintenant. Mais il est sec. Il est tout à fait sec. Il n'est même pas humide. Plus humide. Oh, man. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de sucre? Pas de sucre sur le raisin. Comment ça? Le raisin, mais c'est tellement rare. Ben oui. Tu peux mettre n'importe quoi sur... Tu rajoutes du sucre sur n'importe quoi, c'est toujours merveilleux. Ben, hey, t'es un véritable sucrier. Je suis un sucrier. Un sucrier qui sucre, mais... Hey, avez-vous déjà vu un sucrier qui ne sucrait pas? Ouais, mais Mme Tremblay m'avait souligné la semaine dernière dans sa revue Femmes d'ici, Femmes d'ailleurs. Oui. Qu'au Cameroun. Au Cameroun. Le sucre goûtait le sel. Oh! Ouais, mais savez-vous pourquoi? non, mais tu vas me le dire. Les cueilleurs de sucre au Cameroun. Il fait chaud au Cameroun, hein? Tu sues au Cameroun. Quand tu sues, c'est quoi la sueur goûte quoi? Ça goûte le sel. Donc, sur les grands, grands puisards de sucre, les Camerounais en dégoulinaient un coup, puis là, ça devenait tout à fait salé. C'est le seul endroit sur la planète. Achetez du sucre camerounais, vous allez y goûter. Et c'est merveilleux. Au goût, c'est extraordinaire. C'est unique. Cameroun, sucre sucré. Hein? Sucre salé. Est-ce que tu peux me le redire? Oui, au Cameroun. Oui. Sucre salé. Et ça pourrait faire une petite chanson. Ah, ouais, c'est... Oh, vous l'avez, là, là. Le sucre salé, le sucre salé. Oui, donc, beauté, beauté, le sucre salé, le sucre salé, le sucre salé. Oh, bien, beauté, beauté. Ben, c'est le succès. On dirait que ça ressemble à compagnie Manol. Oh, mon Dieu. Beto Manol. La musique qui rafraîchit sans souvenir, sans voisin, sans voisin, c'est moi, non. Là, vous avez mis de la censure là-dessus parce que les gens n'ont pas vraiment saisi. Non, non, non, y a rien. Oh. Cette semaine, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. Qu'est-ce que tu dis? Déshabillerons. Qu'est-ce que tu dis? Déshabillerons. Bon. Poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. L'autre qui danse derrière moi, là. Je le vois avec mon troisième œil qui se trouve dans la pupille dilatée de mon cerveau ravagé. Alors, le mot, c'est aboyer. Et vous savez que plus vous broyez le chien... Oh non! Le chien chaud? OK, j'ai eu peur, là. La SPCA allait nous appeler. Ben voyons, les animaux, on les aime, on les adore, on les embrasse. Bon, mais qu'est-ce que tu faisais? Ben je les embrasse. Ah, mon Dieu, pas avec. Ben oui, avec ça. Et puis donc, c'est ça. Alors donc, le chien chaud, hein? Pour savoir s'il est bien prêt, comme on dit dans les pâtes, vous connaissez, Madame Rosagno, la pâte? Oui, lorsqu'elle bouille et que c'est prêt, ça fait al dente. Et là, vous devez la retirer du feu, placer dans la passoire, mais pas hier, là, ce soir, ce soir. Le spaghetti est réuni, la chaleur aussi. Devant mon visage gercé. Est-ce pour moi une certaine vérité? Mais tu vois, c'est du spaghetti, de la sauce à l'unisson. Non, non, c'est de la sauce à profusion. Alors, vous placez ça, madame, votre chien chaud, pas le spaghetti. Votre chien chaud, lorsqu'il aboie, il est prêt. La saucisse est prête, le pain est croustillant à souhait. Vous rajoutez ce qu'il faut placer à l'intérieur, c'est-à-dire des oignons crus pour plus de goût. Pas d'oignons frits, s'il vous plaît. La friture enlève, retire le goût de l'oignon. Et ensuite, vous placez de la sauce rouge, appelée ketchup, à l'intérieur du pain. Et vous allez entendre la saucisse faire « Ah! » Si la saucisse ne fait pas « Ah! » c'est qu'elle n'est pas stimée. Alors moi, j'estime que la... Oui, c'est facile. Elle est très facile. Oui, mais il est quelle heure, là, pour la faire facile de même? 1h14. Mais c'est une blague quand même d'1h14, là. J'estime qu'elle est stimée lorsque ça fait « Ah! » lorsque vous avez placé le ketchup à l'intérieur du pain. Et que... La fente, parce que estimé, vous avez fait des circoncisions, des cerfs, vous l'avez fendu. Je parle de la saucisse toujours. Et donc, la cuisson est répartie partout, le goût partout, et c'est la partout à l'intérieur du pain. Vous le savez même pas, c'est la grosse fête, là. Incroyablement surexcité. Donc, malheureusement, vous n'êtes pas invité. Quoique, lorsque vous allez enfoncer dans votre bouche le chien chaud, vous commencerez à ressentir la fête qui se trouvait à l'intérieur de ce pain. Alors, la façon de savoir, comme je le disais avant de m'envoyer quelques hallucinations narratives, lorsque le chien chaud aboie, vous le retirez, vous le regardez et vous lui dites « Tu m'attends? » Tu m'attends? Je dis au chien chaud, tu m'attends. Attendez, là. Tu m'attends? Tu m'attends, chien chaud? Je serai prêt tout à l'heure pour ne pas dire tantôt, chien chaud, tantôt. J'ai tenté de, oui. Mais c'était pas le moment, je sais. Je m'excuse auprès de toutes mes auditrices, tous mes auditeurs qui s'imaginaient que l'intelligence passait par errance rénaldienne. Le chien n'est pas si chaud. Il n'aboie pas. Nous ne le mangerons pas. Nous resterons sur notre faim. Mais ce n'est pas la fin de l'émission. Restez des nôtres, puisque d'autres drôleries traverseront vos tympans. Hey, traverse pas ça. Hey, ça peut faire mal, c'est vrai. Allez pas à l'hôpital pour rien. Non, c'est une manière de parler, c'est une métaphore, là. Enfin, foncera vos tympans. Tout le monde va appeler le 911. Je suis un gars fini. Ma réputation est terminée. Je ne suis qu'un moins que rien. Excusez-moi si vous allez. C'est pas ça que j'ai voulu dire, docteur. Comment ça, il y a deux policiers et un docteur? Ah oui. C'est parce qu'on va vous soulager. Ah, mon Dieu, le mental va vous rallonger. Oh, et le souvenir vous couper directement à cet instant précis. Oh, Fini? Vas-tu la faire jouer ta chanson, là? On l'aime bien, toi. On aimerait l'entendre, le on veut l'entendre, de diganes sans répit, grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Jouer digane, jouer pour moi, avec plus de flamme, afin de courir la voix qui dit à mon âme: où as-tu mal? Pourquoi tu m'as? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Je veux rire, veux chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne à l'air. Apportez-moi du vin fort, car le vin délivre au versé, versez-moi encore pour que je m'enlise. De guitare en ma pensée, j'ai un trouble immense, expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, vous verrez mon corps rouler sous la table. Alors vous pouvez cesser vos chants qui résonnent, en attendant jouer, je te le redonne. We'll be right back.

cherche ta lumière et c'est une face. Tu voudrais que ça débouche sur toi. Sorti de chantier, revenu tout. Revenu pas sous la nuit, pas sous la douche. Les jours dans quel groupe, t'es pas sûr. Tatoue-moi dessus la peinture au couteau, c'est beau quand la larme est nue. La prenez en ménage le pont de la rivière Guay, dans le zoo où j'étais encore épouvantail. Très bien, 20 ans. Toujours à fuir à Mogador, les jours paillent là. Surtout pas griller la gitane, viva España. Prenez en ménage le pont de la rivière Quay, dans le zoo j'étais encore épouvanté. Reviens, va-t'en. C'est chaud, j'ai plus qu'à me trouver un autre chef et à cracher le morceau. La première ménage le pont de la rivière Quay, dans le jour où j'étais encore épouvanté. Reviens, va-t'en. Et dans une année lumière, passe la douane avec Eddie Bandel à moi midi. Je brûle un cierge de Saint-Denis d'avance, merci. Je rêve tout haut sur une grande échelle depuis que pont du casque. Pas de nouvelles, nouvelles vagues, un des derniers ramas et bah c'est là. Tellement bleu qu'elle est encore du boulot. Elle est encore du bruit. Tellement beaucoup que la pluie. Ça fait jamais qu'une banque que tu m'aimes. Je sais pas si je veux te connaître plus loin. À de me dire que je vais pas bien, c'est comment on fait. Je voudrais descendre de là, c'est comment on fait. Je voudrais descendre de là. Cascadeur sous Ponce Pilate, cherche un circuit pour que je m'éclate. L'allume cigare, je peux contrôler. Les vitesses, c'est déjà plus calé. C'est comme en mon rêve. J'voudrais descendre de là. C'est comme en mon rêve. J'voudrais descendre de là. C'est Gozak, moi le canon. Je tâche dans le boulot, je rêve des passions. Caractériel, je sais pas dire oui. Dans ma peau cervelle, carton mouillé. C'est comment qu'on fait. Je voudrais descendre. Avec moi-même, je me colle au pare-brise, ça me gêne. Ça sent cramé sous les brochures. Regarde où j'en suis, je t'en glorie nous. C'est comment qu'on fait. Je voudrais descendre de là. C'est comment qu'on fait. C'est comment qu'on fait. Je voudrais descendre de là. Comment. Je voudrais. Comment. Je voudrais. Come comment j'aurais, comment j'aurais, comment, hey, hey, hey. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit, mes lunettes sont d'une saleté épouvantable. Madame Tremblay, votre mission pour cette émission... Hein? Avez-vous entendu ça, madame? La mission pour cette émission. Hey, c'est même pas voulu, là. Ma tête s'est mise à fonctionner sans que je lui dise, là. Enfin, jamais j'ose lui inculquer ou lui ordonner des informations qui pourraient m'amener à une certaine intelligence auprès de mon public. Mais là... Vous avez-vous pris ça? Hein? Ça a déjà été fait. Ah, mon dos. On l'a déjà entendu. Bon, vous êtes dans la reprise. Merci. Ouais, merci. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera. Elle est vraiment gentille, hein? Elle est vraiment gentille. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une pépite! Elle est vraiment gentille. Et la frustrée. La frustrée des deux bords. À droite. Oh! À gauche. Du côté droite, du côté gauche, du côté droite, du côté gauche. Alors donc, une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec Sophie Lariane. La marée réussit aux marins dissipés. Partons, la mer est belle, en mer contre aux pêcheurs. Et sur notre nacelle, nous vieillons ensemble, la terre est plus déduite, nous verrons d'Alicier élu, voguer les vagues bleues, oh la vague, la vague. Hey, les vagues descendent vers le bas. Moi, j'aimerais bien ça que j'aimerais bien ça qu'un jour les vagues descendent vers le haut. Premièrement, ce serait plus original. Arrête de dire première. Oh, merci, je le sais. C'est un problème dans cette émission. La répétition. Ben, c'est très répétitif. Ben oui, on vient de dire la répétition. Si c'est pas répétitif, une répétition, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelque chose d'arrêté. Oui. Psychologiquement, c'est un reflux. Un reflux? Une certaine... un frein. Un frein? Oui, moi, je dirais même une incapacité à... À quoi? À aller plus loin. Oh, OK. Bon, c'est bien de savoir ça ce soir, là, à cette heure aussi tardive, là. Qu'est-ce que je dois faire pour y remédier? Ah, il n'y a absolument rien à faire. Ça va passer? Ça va passer tout seul. Prenez, oui, attendez, là. Oh, vous avez oublié, hein? Je vous ai dit, il y a un avant-plan, un derrière-plan, gauche, droite, c'est bidirectionnel. C'est uni! C'est Surround Digital Dolby. Vous ne saviez même plus, là. Ben, moi, je ne sais déjà plus rien. Ben, je le sais. C'est pour ça que je suis là pour vous diriger. On m'appelle la Montgolfière. Oh, mon Dieu! Ben, c'est... Une Montgolfière, ça ne dirige pas, là. Il y a deux objets qui dirigent. Il y a la boussole. Oui. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'autre émission... Ben, c'est l'autre émission? L'autre bloc. OK, c'est à la même émission. Oui, à la même émission. Vous avez dit l'autre émission. Il dit l'autre émission. Ah, ça s'est pas émis dans mon cerveau. On dirait qu'il y a un court-circuit et qu'on a comme... on a comme. Oh! Puis quand on a comme, on voudrait, mais il n'y en a pas pour. Bon. Moi, il n'y en a pas pour, puis il y en a pour. Ah, mon Dieu! OK. Et puis ensuite? Ben, c'est ça. Donc, il y a la boussole. Oui. Et il y a la girouette. qui nous montre, qui dirige. OK, puis le GPS, oh mon Dieu, le GPS. Ça, c'est contemporain, là. Ça, c'est quelque chose, là, de technologique. Si t'es pas dans la technologie, t'es un déconnecté. Ben, je préfère déconnecter mon GPS, pour là, puis me fier à ma boussole. Parce que, est-ce que tu sais où se trouve le nord, toi? Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Tu te suces le doigt? Ben oui, mais le vent va arriver vers le nord. Sincèrement, tu crois que le vent vient toujours du nord? Ben oui, c'est écrit dans... Écoutez, ma géographie tout-puissante, élaborée par tous et pour les riens, les ariens et les moins que rien. Oh, c'est toi, ça? Merci, c'est moi. Alors, c'était dit, le vent... C'est dit, c'est écrit, hein? Le vent vient toujours du nord. Le... OK. Devant notre public ce soir, en ce beau mois de mars, 2 mars... Tu oses dévoiler au grand jour? Ben non, ben c'est un petit jour, hein. Regardez, c'est le ciel est couvert. Ah, très couvert. Il est recouvert de nuages. Oui. Et de petites guimauves à l'intérieur même des nuages. Et je vous dis sincèrement, même si ça ressemble à de la... Comment ça s'appelle ça? Là, À de la... Comment ça s'appelle? Tu fais ça cuire au four, là. C'est tellement bon, là. Arrête donc de parler de nourriture. Non, mais... Non, vous vous souvenez pas, là, c'est une friandise, là, c'est... ça fait des mois et des mois que j'ai pas mangé ça, presque même des années. Ah, comment ça s'appelle ça? C'est blanc, on peut les mettre rose si on veut, les couleurs que l'on veut. Ça fond dans la bouche, là, c'est croustillant, là. Ah, des retails d'hostie, mais non, OK, oubliez ça. Alors donc, la marée réussit au marin dissipé, mais oui! Parce que... Lorsque tu perds le nord, même si le vent vient pas toujours du nord, j'essaye de trouver ce que j'adore, le croustillant dans le four, pas trop longtemps, sinon ça brunit, comme Carla. Oh, Carla aussi? Oui. Enfin, on va demander à Sarclos. Oh, oh, pas le chanteur suisse! Non, moi c'est le français. Ben, je connais pas de Sarclos. J'ai Sarkozy. Ah, Sarkozy est délibéré, quoique la madame Bruni aime bien se faire tourner par beaucoup de chanteurs, peut-être même des chanteuses. Ah, mon Dieu, vous allez-vous nommer des noms dans les chanteuses? Ben, je serais enchanté. Ben, on peut pas, hein, actuellement. Comment ça? Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est... J'ai pu discuter avec elle hier au soir. Hier au soir? Oui. Et puis, elle n'était pas très disposée à me dévoiler. Bon, à vous dévoiler quoi? Les noms. Les noms? Ben, les noms des dames. Oh, des dames d'honneur. Non, ben, elle m'a fait un doigt d'honneur au téléphone. j'ai pu capter le blasphème. Oh, elle a même blasphémé. Ben, elle a dit, tu n'es qu'un Québécois. Ah, mon, c'est pas vrai. Elle n'a pas dit que tu n'es qu'un Québécois. Ah oui, elle a dit ça. Elle a dit, tu n'es qu'un Québécois. Et puis, comment vous avez pris ça? Ben, j'ai pris ça à la lettre. À la lettre? Ben, je suis un Québécois. Oh, alors ça vous a flatté? Ben oui, oui, je suis quand même heureux là, qu'on me distingue là, des Belges, des Suisses, des Français. Je suis Québécois. Je suis un Américain francophone. Là. Je touche ma guitare, là, je tourne les pitounes, puis allez-y donc! Thank you.